notre terre, les mains jointes en arrière. Tant de coups parfois reçus comme des balles, l'imprévu. À qui la faute au ministère qui discute de chimères? Peuple entier qui n'a de cesse que de crier. Bon, ouais, l'abîme. Un tribunal y est juché, une enveloppe et c'est signé. De tirades satiriques, on long discours machiavélique. Chaque signature de ces faux rois augmente la faim et on n'a pas. Oh,